Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Histoire de Taïwan, l'autre Chine. À la fin du 19e siècle, c'est en Asie qu'est affecté le comte Claude de Raricourt de la vallée de Pimoudan. Oui, il est lieutenant-colonel de cavalerie, mais c'est bien avec un bateau qu'il explore ces territoires lointains de 1895 à 1898, ce qu'il appelle ses promenades en Extrême-Orient, Sibérie, Corée, Japon, Chine, Formose. Il écrit Formose, nommé d'abord Pékan ou Pékando par les aborigènes, de race malaise, dit-on, fut appelé par les Chinois qui s'y établirent plus tard Keelung-Chang, puis Taïwan, nom qu'elle conserve encore dans notre langue. Vers la fin du XVIe siècle, les Portugais découvrirent l'île et, voyant les côtes orientales parées d'une splendide végétation, l'appelèrent Formosa. Formosa, Formose, Taïwan, Chine-Taïwan, histoire et mémoire entre défiance, esprit de reconquête, et rapprochement. Samia Ferhat, bonjour. Bonjour. Je lisais cet extrait de mémoire d'un militaire qui se trouve en Extrême-Orient à la fin du 19e siècle et qui rappelle que les premiers habitants de cette île, Formose pour lui, Taïwan pour nous, étaient des aborigènes. Que sait-on d'eux ? Alors, les aborigènes, donc on sait, on sait pas exactement quand est-ce qu'ils sont arrivés à Taïwan. Les chiffres sont, enfin, diffèrent, les dates diffèrent d'un spécialiste à l'autre. Donc, ce sont des populations qu'on dit être venues du continent asiatique. Alors, on remonte à 5000 ans. Avant Jésus-Christ, il y en a qui disent 15 000, j'ai même vu 25 000 ans. Bon, je ne sais pas exactement à quel moment ils sont venus, c'est toujours difficile à déterminer. Et ce sont des populations qu'on dit austronésiennes, parce qu'elles parlent les langues austronésiennes qu'on retrouve aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie. Et à Taïwan, elles se sont installées dans les plaines, mais aussi dans les montagnes. Et aujourd'hui, on compte 16 tribus de populations aborigènes, donc 16 communautés différentes qui se distinguent par une langue, par une histoire, par une culture différente. Oui, nous ne sommes pas avec des Chinois. C'est important de le souligner. Non, ce ne sont pas des populations Han, donc chinoises, mais par contre, les populations autochtones des plaines se sont mélangées avec les Han qui sont arrivés à Taïwan en plus grand nombre à partir du XVIIe siècle. Et donc maintenant, les Taïwanais font des tests génétiques pour déterminer qu'ils ont du sang aborigène autochtone dans leurs veines. Donc voilà, donc il y a eu quand même des sangs mêlés en fait. Il y a beaucoup de métissage. Il y a eu beaucoup de métissage. C'est important de commencer l'histoire de Taïwan par ses premiers habitants, les aborigènes. Et vous venez de nous le dire, Samia Ferhat, les Han, les Chinois, arrivent sur cette île, qui est Taïwan pour nous aujourd'hui, qui a été Formose par le passé, plutôt au XVIIe siècle. Victor Louzon, bonjour. Bonjour. Les contacts entre la Chine continentale, et j'utilise des expressions qui sont complètement anachroniques, mais pour rendre tout ça plus simple, entre les Chinois du continent et puis cette île, datait d'avant le XVIIe siècle. Mais que se passe-t-il au XVIIe siècle? Il y a une volonté, alors je ne veux pas encore utiliser d'anachronisme, mais de s'implanter, non pas de coloniser. Alors, les contacts humains entre des populations établies sur la côte chinoise et l'île de Taïwan sont en effet plus anciens, mais en revanche, l'incorporation de Taïwan à la Chine comme entité politique date en effet de la fin du XVIIe siècle. Mais cette incorporation, en fait, elle est précédée, alors, de ce qu'on peut appeler, mais de manière moralement neutre, si vous voulez, une colonisation de peuplement antérieure, qui, elle, se déroule tout au long du XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intensification de du peuplement de la partie occidentale, donc de la plaine occidentale de Taïwan, par des populations venues de Chine, elle se fait pas sous domination politique chinoise. Elle se fait dans un contexte colonial, qui est un contexte colonial occidental, puisque une fois que les Portugais sont passés au large de Taïwan, ce sont en fait, au tout début du XVIIe siècle, les Espagnols qui s'y implantent, puis les Hollandais qui très vite évincent les Espagnols. Et c'est pour faire fonctionner l'économie coloniale, en fait, à Taïwan, dans l'ouest de Taïwan, que les Hollandais vont importer, en quelque sorte, des travailleurs venus du continent. Mais donc le paradoxe, c'est que la population chinoise de Taïwan, à ses débuts, est pour l'essentiel un phénomène induit par les Hollandais, et non pas par la Chine elle-même. Seulement, À partir des années 1660, Taïwan, les Hollandais sont chassés de Taïwan par un pouvoir politique régional chinois qui est en fait un pouvoir qui résiste aux Mandchous. Parce qu'au XVIIe siècle, vers le milieu du XVIIe siècle, les Mandchous, qui sont une population du nord-est de l'Asie, envahissent la Chine. Et un certain nombre de loyalistes de l'ancienne dynastie chinoise, qu'on appelle les Ming, vont trouver refuge à Taïwan, parce que c'est un refuge naturel, en quelque sorte, et harceler les envahisseurs, ce qu'ils considèrent comme les envahisseurs, sur la côte, donc depuis l'île de Taïwan. Et en 1683, la dynastie Manchu, qui s'est installée au pouvoir, qu'on appelle aussi parfois la dynastie Qing, prend Taïwan, donc incorpore Taïwan pour la première fois de l'histoire de l'île à l'Empire chinois, ou en tout cas à leur empire, sino-manchou, pour des raisons sécuritaires, et non pas au nom d'une quelconque revendication historique. C'est passionnant ce que vous nous dites là, parce que comprendre que l'arrivée des Chinois sur cette île, eh bien, est un appel de la population hollandaise, enfin des Hollandais qui contrôlent Taïwan, est déjà extrêmement pertinent. Mais alors, se rendre compte que la population chinoise Han, qui désire fuir les Mandchous, se réfugie à Taïwan, crée là aussi, puisque nous réfléchissons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur l'histoire et la mémoire de Taïwan, une mémoire forte et importante avec un personnage, Victor Louzon, Koxinga, qui est-il ? Alors, celui qu'on appelle Koxinga, ou Guoxinye en mandarin, est donc ce loyaliste Ming dont je vous parlais à l'instant, qui est à l'origine d'ailleurs plutôt un marchand pirate qu'un homme politique, pour verser dans l'anachronisme, qui s'installe à Taïwan à partir de 1662, si mes souvenirs sont bons, et qui va mener au nom des Ming déchus, et qui ne reviendront jamais au pouvoir d'ailleurs, une guerre contre les envahisseurs mandchous, hein, depuis l'île de Taïwan. Et cette figure, alors lui mourra de maladie, passera la main à son fils, qui devra se rendre au Qing en 1683, parce que le rapport de force était trop déséquilibré, mais c'est devenu une figure mythique à Taïwan, et notamment parce que c'est une figure qui, puisqu'on parle de mémoire, peut être réinvestie par différents acteurs, mais sans trop nous avancer dans le temps. Il est clair que l'idée de Taïwan comme refuge d'un régime légitime contre un envahisseur venu du Nord ayant pris le continent a des échos tellement évidents avec ce qui va se passer avec les communistes et Chiang Kai-shek en 1949 que la figure de Koxinga, donc Koxinga, a été évidemment beaucoup investie. Oui, parce que il y a ce rapprochement à faire, non pas, ben, encore une fois, par anachronisme, pas du tout, c'est parce que il y a cette présence encore dans les mémoires. Ça met à Ferhat cette histoire du XVIIe siècle, Koxinga, ces Chinois qui se réfugient à Taïwan, est encore présente dans les mémoires. Alors, l'histoire de Koxinga, oui, comme vient de le dire Victor Louzon, est encore présente dans les mémoires parce que elle symbolise la lutte contre un envahisseur sur un territoire particulier, notamment le continent. Et donc à Tainan, parce qu'il va s'installer, enfin, toutes les troupes de Koxinga vont s'installer dans la région de Tainan, d'où ils vont chasser les Hollandais. Enfin, ils vont signer un traité et faire en sorte que les Hollandais quittent Taïwan. Donc, à Tainan, c'est une figure historique importante. Koxinga, c'est vraiment Koxinga, c'est vraiment la première figure historique qu'on peut trouver dans l'histoire taïwanaise. Koxinga est aussi important parce qu'il a chassé les Hollandais du territoire et aussi parce que c'est un loyaliste, c'est quelqu'un qui a été loyal au gouvernement Ming, donc au gouvernement qu'on considérait comme étant un gouvernement chinois, un gouvernement Han, et la révolution républicaine chinoise s'est faite contre les Qing, donc comme Koxinga qui a lutté contre les Qing. Samia Ferhat, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre et vous avez réfléchi, travaillé et écrit sur l'identité politique taïwanaise. Mais vous nous avez bien dit, il y avait des populations qui étaient là avant même l'arrivée des Chinois, avant même l'arrivée de Koxinga, qui est chinois. Donc lui, il peut être un héros à Taïwan, mais pour les Chinois et pour les aborigènes, ils ont récupéré cette identité-là aussi? Ah non, je pense pas. Non, je pense pas que les aborigènes... Enfin, peut-être que je me trompe, mais il me semble que non, que les aborigènes n'ont pas du tout récupéré cette figure de Koxinga. Les relations entre les Han et les aborigènes ont été assez difficiles et souvent conflictuelles. Donc, c'est une histoire douloureuse pour les aborigènes que cette arrivée des populations Han, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de mélanges, notamment avec les Pingputsu, donc les aborigènes qui vivaient dans les plaines. Non, je ne pense pas que ce soit une figure. Et puis, dans cette histoire de Taïwan, il y a une histoire alors de domination. Victor Luzon, les Portugais passent et font coucou rapidement et donnent le nom de Formose. Les Hollandais s'installent plus longtemps. Et les Chinois, vous nous l'avez expliqué, prennent possession de l'île. Alors, les Chinois ou les Mandchous avec la dynastie Qing. Et dès lors, nous pouvons nous interroger combien de temps cette présence chinoise dure à Taïwan. Alors, la présence démographique chinoise à Taïwan, elle dure toujours. Elle est même devenue majoritaire. On pourra peut-être y revenir. Mais la présence politique, ou plutôt le contrôle du centre politique chinois, ou sino-manchou, si on veut, sur Taïwan, dure donc de 1683 à 1895. En 1895, c'est la fin de la première guerre sino-japonaise, donc 1894-95, qui oppose donc la dynastie des Qing, toujours au pouvoir en Chine, et le Japon de Meiji, et qui fait basculer Taïwan dans l'escarcelle japonaise, et Taïwan devenant la première colonie japonaise. Taïwan devenant la première colonie japonaise, nous avons désormais les Japonais à Taïwan. Et toujours vers vous, Samia Ferhat, je me tourne pour vous demander, mais là aussi, cette présence japonaise à Taïwan est encore présente dans les mémoires? Ah oui, elle est extrêmement présente dans les mémoires. Il y a même un conflit des mémoires autour de la colonisation japonaise à Taïwan. Il y a des personnes dont les familles ont vraiment été marquées par cette colonisation, des familles qui ont contribué au développement de cette colonisation, de cette gestion coloniale d'un point de vue régalien, mais aussi économique, des familles qui se considéraient comme des sujets de l'empereur japonais. Et puis il y a d'autres familles qui, elles, ont mené la résistance contre le colonisateur japonais, qui souvent ont mené cette résistance, donc je parle d'une jeunesse là, sur le continent, qui se sont alliées soit aux forces nationalistes, soit aux forces communistes pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. Donc la mémoire de la colonisation japonaise est souvent mise en lien avec la mémoire de la résistance contre le Japon sur le continent. Cette mémoire est aussi très présente chez les populations autochtones, des populations autochtones qui, pour certaines, ont lutté aussi contre le Japon. Il y a eu des actes de révolte qui ont été réprimés très violemment, notamment au début des années 30 dans les montagnes autochtones. Et puis, il y a des populations autochtones qui ont géré de façon assez positive, assez harmonieuse, leur relation avec le Japon. Donc, c'est une mémoire très, très complexe qui est fondée, bien sûr, sur la façon dont les uns et les autres ont interagi avec la force coloniale. Les Japonais colonisent Taïwan, mais pas seulement, hein, tout le nord de la Chine, c'est important de le dire. Et dès lors, en Chine, il y a une guerre de résistance qui se double d'une guerre civile. À Yénam, capitale de la Chine du Nord, 40 000 individus vivent comme des troglodytes. La surprenante fertilité de la terre et sa rareté ont incité les habitants à ne pas la gaspiller en bâtissant sur elle et à s'abriter plutôt à flanc de montagne. L'agglomération tout entière offre plus l'aspect d'un village géant que celui d'une ville. Cette étrange cité est la résidence de M. Mao Tse-tung, leader du Parti communiste chinois et chef des forces en lutte contre le gouvernement de Nankin. Par ses soins, la démocratie a été instituée à Yénan. Et les élections ne sont pas le moindre souci de ses concitoyens. Certains d'entre eux sont en effet illettrés. Et pour émettre leur opinion, ils ont le choix entre le trou dans les bulletins, en regard du nom choisi, ou le dépôt de haricots dans les écuelles électorales. Curieux aspect du progrès, dans cette terre dont le visage reste immuable à travers les siècles. Les haricots dans les écuelles électorales, c'est le journal des actualités françaises en février 1947. Nous sommes donc après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a perdu, bien sûr. Victor Luzon, quelle est la situation pour la Chine en 1947 et pour Taïwan en particulier? Alors, en 1947, la Chine, donc, dont le régime s'appelle depuis 1912 la République de Chine, puisque la dynastie Qing est tombée fin 1911, est techniquement, et j'insiste bien sur le terme techniquement, victorieuse dans la Seconde Guerre mondiale, donc qui pour la Chine est principalement la Seconde Guerre sino-japonaise, que ça a été essentiellement une invasion et une occupation japonaise. Le problème, c'est que c'est un régime qui est en fait un régime déliquescent dès la fin de la guerre, en fait, et qui se retrouve aux prises très vite avec les communistes de Mao Zedong, c'est en fait une guerre qui date d'avant l'invasion japonaise, mais qui reprend de plus belle après la défaite du Japon. Et donc, on est en pleine guerre civile, en fait, sur le continent chinois en 1947. Taïwan, quant à elle, a été alors récupérée à l'automne 45. Simplement, les Taïwanais ont retrouvé une Chine que, même pour les plus anciens d'entre eux, ils n'ont, dans leur écrasante majorité, pas connue, puisqu'ils ont quitté un empire multiethnique, un ancien régime, si vous voulez, et qu'ils se retrouvent membres d'une république nationaliste. Et ils sont extrêmement, très très gravement désillusionnés dans l'an et demi qui court après la rétrocession par ce qui leur est présenté comme une libération, mais que pour la plupart, alors il faudrait nuancer évidemment, mais que pour la plupart, ils vivent en fait comme un changement de domination étrangère. Puisque à la fin de 1945, ce qui se passe, c'est que les fonctionnaires, les militaires aussi de la République de Chine, pour qui quand même, Taïwan était sorti des radars pendant des dizaines d'années, on reviendra peut-être dessus, mais l'idée d'un Taïwan qui serait constamment vital aux yeux du patriotisme chinois est une idée complètement fausse, totalement, c'est une relecture. Et donc, tous ces gens débarquent fin 1945 et, en pratique, ils remplacent la couche d'administrateurs coloniaux japonais dans la politique et dans l'économie. D'où une très très grande frustration de la population taïwanaise, notamment citadine, qui se mêle aussi à des problèmes économiques liés aux pénuries d'après-guerre. Et tout ça explose fin 1947, dans un soulèvement très très rapide, très désorganisé, absolument pas planifié, très mal armé aussi, qui touche principalement les villes de Taïwan et un petit peu leurs arrière-pays, qui fait que l'île vacille, sort du contrôle de la République de Chine, de fait, même s'il n'y a pas de programme indépendantiste construit, pendant une dizaine de jours, et puis Chiang Kai-shek, les autorités de la République de Chine, envoient des troupes du continent et écrasent la rébellion dans le sang. Oui, parce que ce moment est aussi fondateur dans l'identité politique taïwanaise. Samia Ferhat, cette année 1947 est quelque chose qui est, alors avec ce paradoxe, toujours caché parce que ça pose problème d'en parler, est toujours extrêmement présent. Alors, c'est un sujet en fait dont il était difficile de parler jusque dans les années 90. C'est un sujet tabou, c'est-à-dire que personne ne l'abordait vraiment dans l'espace public. Et puis, il y a eu, avec la montée des mouvements d'opposition, et notamment avec la constitution du premier parti d'opposition, le Minjingdang, le Parti démocrate progressiste donc à Taïwan, il y a eu une volonté de revenir sur cet événement de l'histoire et de faire justice aux victimes donc des événements de qu'on appelle les événements de Erba. Donc c'est un sujet dont on parle depuis les années 90 et que l'on a aussi étudié depuis les années 90 parce qu'on a fait la demande à des historiens de travailler sur ce sujet, sur ce moment de l'histoire taïwanaise afin de mettre en place une politique de justice transitionnelle, c'est-à-dire afin de répertorier le nombre de victimes et les indemniser. Donc c'est un sujet dont on parle maintenant à Taïwan et qui est devenu au cœur de la mémoire des Taïwanais, qu'on appelle les Taïwanais de souche, et qui est devenu aussi une narration, un narratif fondamental pour les forces qui gravitent autour du parti qui est actuellement au pouvoir, qui est le Parti démocrate progressiste. Donc c'est un sujet dont on parle beaucoup maintenant, dont on n'a pas parlé jusqu'aux années 90 et qui après a donné naissance à un travail de mémoire qui fait que c'est devenu un moment central dans effectivement la façon dont les Taïwanais conçoivent leur identité. Mais c'est un moment aussi très grave dans la cristallisation, disons, du conflit entre les Taïwanais de souche et les Chinois continentaux. Évocation de ce moment très particulier de l'année 1947 sur la chaîne asiatique en français NTD. Lundi 28 février, les drapeaux taïwanais étaient hissés à Mima en souvenir de la violente répression d'un soulèvement anti-gouvernemental il y a 64 ans. Lors de l'inauguration du mémorial national 228, le président Ma Ying-jeou a affirmé que le gouvernement poursuivrait son enquête sur la tuerie du 28 février 1947. Tout d'abord, nous devons poursuivre nos investigations et faire la lumière sur la vérité. Ensuite, nous devrons tirer des leçons de cette histoire afin que les générations futures apprennent la vérité sur l'incident 228. Et que rien de la sorte ne se reproduise. Le 28 février 1947, de nombreux manifestants avaient été tués à Taïwan après avoir appelé le gouvernement à effectuer des réformes. Le règne du Kuomintang, alors au pouvoir, avait provoqué un large mécontentement. Le gouvernement avait alors violemment réprimé ce soulèvement, prélude à la période dite de la Terreur blanche à Taïwan. Les forces armées avaient tué entre 10 000 et 30 000 personnes et des milliers d'autres avaient disparu ou été emprisonnés. Nous étions en 2011 sur la chaîne asiatique en français NTD à propos de cet incident dramatique, hein, parce que énormément de morts, c'est un véritable massacre. Il est question d'ailleurs de cet incident 228. Pourquoi ce chiffre 228, Samia Ferhat? C'est la date, c'est le 28 février, donc 2 en chinois c'est février, c'est le deuxième mois de l'année, et puis 28 c'est le jour, donc c'est Erba en chinois. 228. Victor Louzon, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'au XVIIe siècle, au moment de fuir les Mandchous qui arrivaient, eh bien, Koxinga et puis certains Han, certains Chinois, arrivent à Taïwan. Et vous avez évoqué le fait que, eh bien, c'est le même processus après la Seconde Guerre mondiale, fuyant le communisme de Mao. Certains nationalistes, Chiang Kai-shek notamment, arrivent à Taïwan. Que se passe-t-il dans ces années-là après la Seconde Guerre mondiale? Comment se divise la Chine? Alors, après la Seconde Guerre mondiale, donc comme on l'évoquait tout à l'heure, la guerre civile chinoise, donc entre le parti nationaliste, qui est en fait, en gros, peu ou prou, le parti unique de la République de Chine, donc le Kuomintang de Chiang Kai-shek et le parti communiste, reprend. Et en fait, elle reprend, elle s'élargit. Donc, 46-49, hein, cette dernière guerre. 49, c'est la proclamation de la République populaire de Chine, c'est-à-dire la victoire des communistes de Mao. La guerre civile, en substance, elle est perdue par le Kuomintang dans la deuxième moitié de 1947. Et on ne sait pas très bien quand les plans de repli à Taïwan ont été faits, mais en tout cas, ils sont officiels fin 48, et l'ensemble du gouvernement est transféré dans le courant de l'année 1949. Pourquoi Taïwan? Parce que c'est une île, parce que les communistes ne disposent pas à l'époque des moyens amphibies qui en permettraient une prise rapide. Et parce qu'il n'y a quasiment pas de présence communiste à Taïwan, puisque les Japonais ont réprimé, disons, tout embryon de communisme sur l'île. Donc voilà en gros les conditions du repli. Quand Chiang Kai-shek arrive avec son administration, puis des vagues de soldats, de fonctionnaires, mais aussi de réfugiés, en tout, on considère qu'il y a peut-être 1,5 ou 2 millions de personnes hein, qui sont passées du continent à Taïwan autour de 1949. Il arrive dans une île qui est déjà une île politiquement prostrée. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrivée en masse du gouvernement nationaliste, du Kuomintang, du régime déchu, succède au dit incident du 28 février dont on a parlé et qui a en fait fait taire l'opposition locale taïwanaise, notamment en terrorisant et en éliminant une partie des élites. Et à partir de là, nous avons une situation extrêmement complexe d'un point de vue international. Il y a deux Chines. Victor Louzon, comment cela est-il perçu par une organisation internationale nouvelle? C'est l'Organisation des Nations Unies, c'est l'ONU. Comment choisir donc qui le remporte à l'international? Sont les nationalistes sur Taïwan avec Chiang Kai-shek ou les communistes sur la Chine continentale avec Mao? Alors, il faut d'abord dire un mot de l'auto-perception de ces deux régimes. Puisque nous, ce qu'on appelle Taïwan, en réalité, après 1949, Taïwan, c'est le nom d'une île, mais c'est certainement pas le nom d'un régime. Le nom du régime, c'est la République de Chine, qui se considère comme régnant toujours légitimement sur l'intégralité de la Chine, qui est donc malencontreusement tombée aux mains de bandits communistes qu'on espère bien chasser un jour, de préférence tôt plutôt que tard. Et puis de l'autre côté du détroit de Taïwan, ça fait 130 km à peu près, hein, vous avez la Chine qui compte bien récupérer Taïwan, considéré en gros depuis la Seconde Guerre mondiale comme partie intégrante du territoire chinois et non négociable. Et donc vous avez deux prétentions à incarner la Chine. Dans le cadre de la guerre froide, de manière pas très surprenante, le bloc de l'Ouest derrière les États-Unis va maintenir, donner sa reconnaissance à la République de Chine, qui reste sise de facto à Taïwan, et le bloc de l'Est va donner sa reconnaissance à la République populaire de Chine, qui donc contrôle en fait l'effectivité du continent. Simplement, à l'ONU, jusqu'au début des années 70, le siège de la Chine reste occupé par en fait le plus petit des deux compétiteurs, c'est-à-dire la République de Chine sise à Taïwan. Parce que en 1945, quand la charte de l'ONU est votée, quand l'ONU est créée, les communistes ne sont pas encore au pouvoir à Pékin, et donc c'est la Chine en tant que vainqueur, ou en tout cas vainqueur putatif de la Seconde Guerre mondiale, qui obtient non seulement un siège à l'ONU, mais un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Hein, ce qui est donc devient une ressource extraordinairement précieuse pour le régime exilé et vaincu de Chiang Kai-shek, une ressource symbolique, mais quand même une ressource extrêmement précieuse, une fois après qu'il est battu, après qu'il part à Taïwan en 1949. Et ça bascule au début des années 70. Au début des années 1970, il y a cette bascule, mais qui est le fruit d'un long processus. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Taïwan, l'histoire de l'autre Chine. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est la danse des gardes rouges dans le film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci en 1987. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes. Samia Ferhat, cette période 1947-1949 et puis jusqu'aux années 70, pour l'identité politique taïwanaise, est essentielle parce que Taïwan est représenté à l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, elle a le veto. Taïwan, la République de Chine, et non pas la République populaire, hein, la République continentale, la République de Chine, c'est Taïwan. Ça reste encore très présent, ça. Oui, la République de Chine est installée à Taïwan, comme vient de le dire Victor Louzon. Et en fait, il y a eu un transfert des institutions élues sur le continent en 46-47, un transfert des institutions vers le territoire de Taïwan. Donc, la République de Chine, c'est aussi une entité politique vivante. C'est-à-dire que tous les députés qui ont été élus sur le continent, donc au milieu des années 40, eh bien, se retrouvent à Taïwan. Au moins la moitié d'entre eux, pas tous, parce que tous n'ont pas pu faire le voyage, mais au moins la moitié d'entre eux se retrouvent à Taïwan. Et toutes les institutions de la République de Chine, donc c'est-à-dire le yuan législatif, l'Assemblée nationale, le yuan de contrôle, le président de la République, le vice-président, se retrouvent tous à Taïwan et font vivre, continuent à faire vivre cette République de Chine dans l'espoir un jour de reprendre le continent, de reconquérir le continent. Et avec une politique culturelle aussi dans cette démarche, dans ce long processus, l'idée qu'à Taïwan va pouvoir être conservée la culture chinoise continentale en train, selon la vision taïwanaise des nationalistes, d'être bafouée par les communistes. Oui. Et ça remonte même à 1945, c'est-à-dire en 1945, quand les nationalistes, donc quand la République de Chine récupère Taïwan, donc c'est le moment de la rétrocession de Taïwan, eh bien, ces forces nationalistes s'aperçoivent que les Taïwanais ont une culture japonaise. La majorité d'entre eux parlent le japonais. La majorité d'entre eux ne parlent pas le mandarin, parlent les langues vernaculaires, donc le taïwanais et les dialectes aborigènes. Et donc c'est à partir de 1945 que va être mis en place une politique de sinisation. culturelle et qui va passer justement par l'enseignement du mandarin, de la langue officielle en Chine. Et donc Victor Louzon parlait de ce moment difficile de 45 et surtout 47 avec les événements de Erba. Mais c'est vrai qu'il y avait dès le départ ce sentiment de méfiance de la part des autorités nationalistes à l'égard de cette population qui avait été gouvernée par les Japonais depuis 50 ans et qui avait aussi était l'objet d'une politique d'assimilation culturelle, le Rami Rajangso. Donc, cette population taïwanaise qui devait se considérer comme étant sujet de l'empereur du Japon, qui devait parler la langue, qui devait aller à l'école, dans les écoles japonaises, et qui, pour l'élite, faisait souvent des études supérieures au Japon. Donc, cette politique d'assimilation commence très tôt, à partir de 1945, et va s'intensifier à partir de 1949. Et vous avez raison de le dire, d'autant plus qu'en Chine, on revient complètement sur cette culture traditionnelle, notamment à partir des années 60, à partir du milieu des années 60, à partir de la révolution culturelle. Et puis, dans le concert des nations, la question se pose de ces deux Chines, laquelle reconnaître, la Chine continentale ou la Chine insulaire, Taïwan ? Il s'agit, a dit le général de Gaulle, de reconnaître le monde tel qu'il est. Et dans ce sens, il n'est pas possible d'oublier à l'autre extrémité du continent européo-asiatique cette Chine, ce très vaste pays géographiquement compact et pourtant sans unité. Un État plus ancien que l'histoire ou un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, a bâti une très particulière et très profonde civilisation qui conjugue le goût de la tradition avec le respect de l'étude et de la science. Ce peuple conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité, la Chine de toujours. Cette Chine de 700 millions d'êtres qui est aujourd'hui celle qu'a faite au prix de terribles souffrances humaines et d'une implacable contrainte des masses, Mao Tse-tung. Il n'était cependant, voici 16 ans, qu'un chef de parti vaincu lorsque le rencontra notre reporter dans les cavernes de Yan'an après cette retraite historique de 10 000 km qu'on a nommée la Longue Marche. Un an après, il entrait à Pékin et installait le régime communiste sur la Chine entière. Qui est cette Chine que la France vient de reconnaître? C'est le titre de ce reportage du Journal des Actualités Françaises en 1964, au début de l'année 1964, quand la France reconnaît la Chine communiste Victor Louzon. Que se passe-t-il dans ces années 60-70 pour Taïwan? Taïwan qui pourtant était représenté au Conseil de sécurité de l'ONU, Taïwan qui espérait éventuellement reprendre la Chine continentale, mais il y a comme un renversement diplomatique. Oui, tout à fait. Malheureusement pour Taipei, le cas français n'est pas isolé. Il n'est pas aussi exceptionnel que parfois nous, on aime à le présenter. En réalité, à partir des années 60 notamment, et notamment de la vague de décolonisation du début des années 60, de plus en plus d'États qui sont représentés, donc désormais indépendants, à l'Assemblée générale des Nations unies, vont transférer, en tout cas désirer transférer, leur reconnaissance à la Chine communiste et non pas à la Chine nationaliste qui parfois se présentait comme Chine libre pendant, avec des guillemets bien sûr, pendant la guerre froide. Et en 1971, l'Assemblée générale des Nations unies bascule en faveur de la République populaire de Chine et donc la République de Chine sise à Taïwan est déreconnue par l'ONU, perd son siège à l'ONU, puisqu'il y a une politique stricte de non-double reconnaissance entre les deux régimes. Il y a un refus de part et d'autre du détroit de Taïwan de suggérer qu'il y aurait deux Chines. Et puisqu'il peut y avoir qu'une Chine, il faut choisir, les pays individuels doivent choisir, l'ONU doit choisir. Et en 71, l'ONU choisit. Et c'est la Chine populaire, la Chine communiste, qui récupère le siège de la Chine à l'ONU, et évidemment en particulier au Conseil de sécurité. Avec, pour la Chine communiste, ce personnage Mao, qui est vraiment la figure incontournable, mais pour la Chine nationaliste, la République de Chine, donc à Taïwan, il y a Chiang Kai-shek. Et Chiang Kai-shek, parce que tous ces gens-là ont des longues espérances de vie, décèdent en 1975. Mao, c'est l'année suivante, hein, 1976. Non, mais toute cette période dont nous parlons, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 1970, c'est ce personnage, Chiang Kai-shek, nationaliste. Samia Ferhat, quelle mémoire a-t-il laissé pour la population à Taïwan? Pour le dire autrement, quel était le type de pouvoir qu'il menait? Oh, c'était incontestablement un pouvoir autoritaire, puisque à partir de 1949, la loi martiale a été appliquée strictement à Taïwan, et après ça s'est un petit peu libéralisé. Et puis il y a eu toute cette période de terreur blanche hein, où la lutte contre les forces communistes supposées présentes à Taïwan a été vraiment très très très très lourde très lourde et très très difficile, enfin très dure pour la population taïwanaise, notamment pour l'élite politique qui avait à partir justement des années 60 certaines attirances pour le système communiste en Chine. Il y a beaucoup d'intellectuels taïwanais qui se sentaient une sensibilité socialiste et qui, bien sûr, ne pouvaient pas l'afficher ouvertement à Taïwan. Donc, c'était un système clairement autoritaire. Il y a eu beaucoup de victimes de la période de terreur blanche. Il était inconcevable d'adopter un discours favorable donc aux idées socialistes, communistes, au maoïsme. Et il était aussi inconcevable et interdit de parler de toute possibilité d'indépendance ou d'autonomie du territoire de Taïwan par rapport justement à cette République de Chine. Et dans cette longue période, le contexte international est essentiel. Nous sommes en pleine période de guerre froide. La question se pose d'ailleurs, il y a deux Chines, mais chacune de ces deux Chines aimerait peut-être ne devenir qu'une Chine, la Chine. En enfermant le meilleur de leur armée dans Quemoy, les nationalistes chinois se sont interdits toute retraite. Pourquoi ? Parce que Quemoy et Matsu, c'est la clé de la défense de Taïwan. Si nous n'avons pas ces deux îles, la détroit de Formosa sera menacée par les communistes. Quel est l'avenir de Quemoy, selon vous? Nous avons la confiance qu'un jour, on peut s'en servir ces deux îles comme un tremplin pour envahir la mainland, le continent. Vous voulez dire que vous avez l'espoir qu'un jour vous partirez d'ici pour attaquer le continent en face? Oui. Oui, en 1962, depuis Taïwan, il y a dans l'émission 5 colonnes à la une, l'évocation d'attaquer le continent. Victor Louzon, vous êtes maître de conférence en histoire à la faculté de Sorbonne Université, faculté de lettres de Sorbonne Université. Et dans cette période qui nous intéresse particulièrement, cette guerre froide de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70 pour Taïwan, jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans le statut de Taïwan, y a-t-il l'idée de conquérir un jour, éventuellement, nous l'entendons dans cette archive, le continent? Là, faut du soutien quand même, parce que la Chine communiste, ce n'est pas rien. Oui, c'est un très gros morceau. Alors, je pense qu'il faut distinguer ici les questions géostratégiques strictes et leur utilisation en politique intérieure. Parce que l'idée de reconquête du continent, donc on dit fin Gongtalu à Taïwan, en mandarin, est une idée qui est consubstantielle à la nature du régime qui s'installe à Taïwan en 49, puisque c'est un régime en exil qui se veut provisoire et qui ne reconnaît absolument pas le passage de bâton, en quelque sorte, qui a eu lieu à Pékin. C'est tout à fait hors de question. Et donc ça fait partie de la doctrine du régime de Chiang Kai-shek. En fait, ça s'avère très vite, et en fait tout le monde le sait en réalité dès les années 50, complètement impossible. Il y a des frictions militaires de temps en temps, sur des îles notamment, qui sont situées entre Taïwan et le continent, des actions commando de petite échelle sur les côtes chinoises, du harcèlement qui vient de troupes fidèles à Chiang Kai-shek en Birmanie, mais enfin tout ça c'est pas grand-chose. En réalité, la situation militaire est figée, puisque la République de Chine n'a absolument pas les moyens de réenvahir le continent, et le continent ne peut pas, à partir de la guerre de Corée, donc de 1950, récupérer Taïwan, puisque les États-Unis ont interposé, on y reviendra peut-être, mais les États-Unis ont interposé la 7e flotte dans le détroit de Taïwan et protègent leur allié de la guerre froide. Donc la situation est figée, il y a des gesticulations parfois violentes, hein, mais des deux côtés. En revanche, ce qui est plus important, c'est la fonction de ce mythe de la reconquête du continent dans la justification de la dictature à Taïwan même. Parce que il faut comprendre que la fiction qui veut que Taïwan soit la partie qui vaut pour le tout, soit en réalité la Chine, ou en tout cas le dernier refuge du seul régime légitime en Chine, est une justification qui est utilisée par le régime de Chiang Kai-shek de ne pas ouvrir le jeu politique à Taïwan, puisque Par exemple, le fait que des Taïwanais pourraient élire leurs représentants signifierait que, de fait, le pouvoir que ça produirait ne serait légitime que sur Taïwan. Et donc, notamment, toute la législature qui avait été élue, bien ou mal élue, peu importe, mais sur le continent, à l'échelle pan-chinoise, en 1947-48, toute cette législature qui part à Taïwan se voit de fait attribuer des sièges à vie, puisque les conditions ne sont pas réunies pour tenir de nouvelles élections nationales, puisque les bandits communistes, comme on disait à l'époque, occupent le continent. Et donc la dictature de ce personnel politique venu directement du continent se justifie par la perspective d'une réunion prochaine. Le message étant, oui, on tiendra des élections et on reviendra à l'ordre constitutionnel normal, non dictatorial, une fois qu'on aura repris le continent. Et évidemment, c'est un horizon asymptotique qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Samia Ferhat, mais quelle identité politique complexe à Taïwan, avec tout ce que vient de nous expliquer Victor Louzon. Mais il y a l'évolution, le temps passe. Chiang Kai-shek meurt en 1975. La situation évolue, évidemment. Comment, justement, cette identité taïwanaise évolue? En disant, à un moment, faut bien quand même une vie politique. Alors, en fait, la situation a évolué dès la fin des années 60, où il a été possible pour les Taïwanais d'élire une partie des membres des assemblées représentatives et d'élire donc des représentants qui allaient représenter Taïwan. Donc Taïwan qui était considéré comme une province de la République de Chine, donc de la Chine qui était conçue encore comme une dimension continentale. Et donc dès 1969, il y a eu des élections législatives sur le plan, enfin au niveau national, et puis ça s'est pérennisé à partir du début des années 70. C'est-à-dire que tous les 6 et 3 ans étaient élus des représentants de l'île de Taïwan au sein des institutions nationales. Le reste des députés qui avaient été élus, donc comme on l'a dit au milieu, enfin dans les années 46-47 sur le continent, restant à vie membres de ces institutions. Et puis il y a eu une vie locale, une vie politique locale qui a été très riche. Alors, bien sûr, toujours dominé par le parti nationaliste, par le Kuomintang, puisque c'est le Kuomintang qui désignait des candidats qui pouvaient être élus directement par la population pour occuper des postes de chef exécutif des localités ou pour occuper des postes de représentants dans les institutions législatives locales. Donc, il y a eu une vie politique locale qui a été très dynamique. Dès l'installation des institutions de la République de Chine à Taïwan, puisque c'était le principe de l'autonomie locale qu'on essayait de mettre en place à Taïwan. Donc, bien sûr, très limité, puisqu'il y avait une force d'opposition qu'on appelait la force hors parti. Donc, c'est des candidats qui étaient situés hors du parti nationaliste, et qui, évidemment, n'avaient pas toujours les moyens de lutter à armes égales contre les candidats du Kuomintang. Mais il y a quand même eu une vie politique locale et à partir du début des années 70, une vie politique nationale, notamment à partir du moment où Jiang Jingguo, le fils de Chiang Kai-shek, est arrivé au pouvoir. Son père était très malade, donc il n'assumait plus du tout ses fonctions de président. Et c'est Jiang Jingguo, en tant que premier ministre, qui a mis en place cette politique qu'on appelait la politique de taïwanisation. C'est-à-dire qu'il a fait appel à la jeune élite taïwanaise pour entrer dans les institutions du parti et aussi pour se porter candidat pour pouvoir avoir des postes de députés au sein des institutions nationales. Donc ça a commencé à partir du début des années 70 où on a de plus en plus mis en valeur cette identité taïwanaise et cette nécessité pour Taïwan, de s'appuyer sur cette jeune élite taïwanaise. Et dès lors, la question d'une possible indépendance se pose. Rassemblement d'un autre type pour le Parti démocrate progressiste, principal adversaire du Kuomintang. Alors que celui-ci peut s'appuyer sur les rouages du pays qu'il contrôle encore largement, le DPP organise des banquets payants pour récolter des fonds. Du même âge que le président sortant, Peng Mingmin a perdu un bras dans le bombardement de Nagasaki alors qu'il étudiait au Japon en 1945. Exilé politique pendant plus de 20 ans, il est rentré au pays après l'amnistie décidée par Lee Teng-hui en 1992. Alors que le président sortant défend le maintien du statu quo avec la Chine populaire, il prône, lui, l'indépendance de Taïwan. When I said I am for independence, Lorsque je dis que je suis pour l'indépendance, cela ne signifie pas que je sois pour la création d'un nouveau statut pour Taïwan. Ce que je dis, c'est que nous devons reconnaître la réalité et que Taïwan est de fait une nation indépendante depuis 1949. Dans l'émission Géopolis sur France 2 en 1996, il est question de cette possible indépendance de Taïwan. Samia Ferrat, nous n'allons pas faire de la géopolitique taïwanaise. Nous parlons de l'histoire et de ces identités-là. Mais dans toutes ces discussions, aujourd'hui encore, les références historiques sont sans cesse présentes. Elles sont sans cesse revendiquées. C'est ce qui est passionnant, c'est ce qui nous intéresse, nous. Cette mémoire divisée à Taïwan. Une mémoire divisée, oui, c'est une mémoire divisée, vous avez tout à fait raison. Divisée entre ce qu'on appellerait les Taïwanais, bon, vraiment pour simplifier et généraliser, mais c'est pas tout à fait juste, il faut vraiment nuancer, entre les populations qu'on appellerait les populations taïwanaises de souche, hein, donc qui ont vécu sur plusieurs générations la colonisation japonaise et qui ont vécu aussi donc l'arrivée brutale des forces nationalistes, donc avec ces événements de Urba dont on a parlé. Donc il y a cette mémoire de cette communauté de population, et puis il y a une autre mémoire qui est celle de la communauté des continentaux qui eux même si cette politique de reconquête du continent s'est avérée tout à fait irréalisable dès les années 60, eh bien, il y avait toujours quand même ce désir de retour vers le continent où, pour la plupart des gens, on avait laissé une famille très, très importante. Et puis, à côté de ça, eh bien, il y a la mémoire des populations autochtones. Donc, effectivement, plusieurs mémoires et plusieurs moments d'histoire privilégiés dans chaque communauté. Et les aborigènes de Taïwan. Non, mais nous avons commencé l'émission avec eux pour les premiers habitants de Taïwan. Nous la terminons avec eux. Victor Louzon, votre thèse sur l'incident du 28 février 1947, dernière bataille de la guerre sino-japonaise, legs colonial, sortie de guerre et violence politique à Taïwan. C'est aussi une histoire de violence, tout cela. Nous sentons que la vie politique à Taïwan et l'histoire même de Taïwan, c'est toujours en tension. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une histoire où il y a un legs de violence important à gérer. Et je pense que toute la politique actuelle du gouvernement de Tsai Ing-wen consiste à se retourner sur cette violence politique, celle de l'époque de la Terreur blanche, de la guerre froide, celle de 1947, celle aussi, dans une moindre mesure, sans doute, de la période coloniale japonaise, et d'essayer de produire sur ce passé violent un regard qui soit un regard, on pourrait dire, inclusif, parce que le patriotisme taïwanais, de fait, qui s'est constitué au fil des décennies, au fil de l'indépendance de facto de ce régime, quel que soit le nom qu'on lui donne, la question se pose de savoir quel est son périmètre, hein, qui entre et qui sort dans cette communauté nationale, dans cette communauté civique. On peut opposer les groupes entre eux. On peut dire il y a les Taïwanais de souche, il y a les gens qui sont venus après 49, il y a les autochtones. On peut aussi, et c'est de plus en plus la dynamique, et c'est en tout cas le choix politique de Tsai Ing-wen, essayer de créer un sentiment d'appartenance nationale ou patriotique, si vous voulez, civique, et non nativiste, hein, qui ne s'intéresse pas à l'endroit où les gens sont nés ou à l'endroit où les ancêtres des gens sont nés, mais qui affirme l'appartenance à une communauté politique commune, unie par sa singularité politique par rapport à la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie et l'état de droit. Tsai Ing-wen, la présidente actuelle de la République de Chine, Taïwan. Merci vivement à tous les deux, Victor Louzon, merci Samia Ferrat. Je rappelle, un Taïwan, île de mémoire, hein, que vous publiez avec Sandrine Marchand, ou le Danguai et la démocratie à Taïwan. Ce sont vos ouvrages. Merci à tous les deux de cette histoire complexe que vous avez su rendre claire. Et il est temps de trouver, alors là, quelqu'un d'autre qui sait rendre les choses claires. C'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Peut-on faire confiance aux témoignages des enfants? Vous vous souvenez peut-être du scandale d'Outreau qui a défrayé la chronique au début des années 2000, suite à des dénonciations de plusieurs enfants, confirmées par leurs parents, 18 personnes furent écrouées pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Plusieurs d'entre elles restèrent un an derrière les barreaux, d'autres un peu plus de 3 ans. Le procès en appel confirma les maltraitances subies par 12 mineurs, mais innocenta la plupart des accusés, car plusieurs enfants qui avaient témoigné se rétractèrent. Ce procès, très médiatisé, replaça au centre de l'actualité une question qui a constamment préoccupé la justice depuis le début du XIXe siècle concernant la fiabilité des témoignages de mineurs. À la suite du code pénal adopté en 1810, qui définissait le crime d'inceste, les accusations des petites victimes furent prises en compte dans les procédures judiciaires. Sous le Second Empire, la parole des enfants acquit une importance grandissante grâce au rôle joué par Ambroise Tardieu dans le monde médico-légal. Ce médecin fut en effet le premier à alerter ses confrères sur la fréquence des mauvais traitements et des violences sexuelles exercées sur des mineurs. À la fin du XIXe siècle, le pouvoir républicain manifesta un intérêt croissant pour ce type de crime en adoptant deux lois sur la maltraitance des enfants. Paradoxalement, les juges furent alors de plus en plus méfiants à l'égard des témoignages d'enfants victimes de ces violences. Pour comprendre les raisons de cette suspicion, il faut sans doute invoquer l'impact de l'idéologie positiviste qui régnait alors au sein des élites républicaines sous l'influence du monde médical. La théorie de la mythomanie infantile, élaborée en 1905 par Ernest Dupré, un médecin aliéniste, accentua fortement la propension des juristes à se méfier du témoignage des mineurs. Cette suspicion fut accentuée par des arguments d'ordre moral. Un grand nombre de magistrats estimaient qu'un enfant ne pouvait pas dénoncer son père ou sa mère sans porter gravement atteinte au devoir de respect filial. Pendant toute la première moitié du XXe siècle, les juges furent davantage soucieux de protéger l'éventuelle innocence des adultes accusés d'inceste plutôt que d'assurer la protection de l'enfant victime. À partir des années 50, la théorie freudienne sur le complexe d'Œdipe contribua elle aussi à délégitimer la parole des enfants en suggérant l'existence d'une forme de consentement de leur part lors des actes sexuels que leur imposaient les adultes. Le fait que les accusations d'inceste portées par des enfants puissent être utilisées par un parent dans le cadre de conflits au sein du couple, comme ce fut le cas à Outreau, contribua également à dévaluer leur témoignage. Mais depuis quelques années, on assiste à un renversement de tendance. Il est illustré notamment par la loi du 21 avril 2021 qui précise qu'en cas d'inceste, aucun adulte ne pourra se prévaloir du consentement d'un enfant. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens et Maïwan Guizhou. Cette émission est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.